Chapitre 3e. Mademoiselle de Guise sonna, et un instant après, le vieux maître d'hôtel, Joseph de Plunard, entrait dans la salle des trophées. « Mon bon Joseph, dit la châtelaine, nous voulons faire ici des beignets. C'est une espièglerie de nonnes, et pour la commettre, nous ne voulons ni complices ni fâcheux. Apporte-nous donc toi-même, entends-tu bien, toi-même, et sans l'assistance d'aucun domestique, les ustensiles nécessaires à notre cuisine. » Nous comptons, mes amis et moi, sur ton zèle et sur ta discrétion. « Mademoiselle sait bien, répondit le vieux serviteur en s'inclinant, que je lui suis dévoué en toutes choses. J'exécuterai de point en point les ordres de mademoiselle, et personne que moi ne mettra le pied dans ce salon. Bien, mon cher Joseph, va donc, et reviens au plus vite avec l'attirail de notre chasse au beignet. » Joseph s'éloigna et revint presque aussitôt sur ses pas. « J'oubliais de dire à mademoiselle, fit-il, que le secrétaire et l'écuyer de monsieur le duc de Richelieu sont ici depuis ce matin. Ils sont envoyés par leur maître pour complimenter mademoiselle et lui présenter ses boîtes et cette corbeille, ajouta le maître d'hôtel avec un air d'indéfinissable mépris. Au surplus, monsieur Bernard de Savigny, le secrétaire, et monsieur Gaspard de la Ribière, l'écuyer, sollicite avec un égal empressement l'honneur d'être présenté à mademoiselle. Depuis une heure même, leur impatience est devenue de la persécution. Que veulent-ils me dire? Quelle communication ont-ils à me faire? Objecta la châtelaine de Beaujeu. Je ne sais, riposta malicieusement le vieux Joseph. Peut-être monsieur le secrétaire a-t-il reçu l'ordre de vous réciter un épithalame composé tout exprès par monsieur de Voltaire. Quant à l'écuyer, il veut sans doute mettre sous les yeux de mademoiselle la généalogie des chevaux qu'il a été récemment acheté dans le pays de Mecklembourg pour les équipages de la seconde duchesse de Richelieu. On sait du reste que la première avait dû, depuis longtemps, renoncer à son tabouret à la cour, faute de voiture, pour se rendre à Versailles. Le trait était sanglant, et d'autant plus cruel qu'il était vrai. Le maître d'hôtel, constamment hostile à l'union de monsieur de Richelieu et de mademoiselle de Guise, protestait ainsi jusqu'à la fin, et au risque de tomber dans la disgrâce d'une maîtresse à laquelle il avait voué sa vie, contre ce qu'il appelait la ruine de la maison de Lorraine. « Joseph !» s'écria mademoiselle de Guise, en fixant sur le vieux et trop véridique serviteur un regard irrité. « Oubliez-vous que monsieur de Richelieu sera demain votre maître? Oubliez-vous que je ne souffre de personne au monde, ni remontrance, ni observation déplacée? Oubliez-vous, enfin, que le choix que j'ai cru devoir faire, heureux ou malheureux, est au-dessus de l'appréciation et de la critique de mes gens. « Ah, pardon, mademoiselle, pardon !» répliqua le maître d'hôtel, dont les yeux se mouillèrent involontairement de deux grosses larmes. « L'excès de mon affection pour votre personne m'a emporté trop loin, m'a rendu téméraire. Votre courroux, la dureté de vos paroles, me le font amèrement sentir. Je me corrigerai, mademoiselle, je me corrigerai, et désormais, si vous voulez effacer de votre mémoire la franchise d'un vieillard qui fut jadis la sentinelle la plus attentive de votre berceau, j'ose vous promettre que je ne retomberai plus dans la même faute, j'allais dire, dans le même crime. » Ces paroles étaient plutôt une aggravation qu'une excuse. Cependant, Joseph de Plunard les prononça d'un air si contrit, d'une voix si émue, que la colère de mademoiselle de Guise s'évanouit sur le champ et que l'indulgence reprit dans son âme son empire habituel. « Mon cher Joseph, dit-elle, je garde pieusement le souvenir de votre dévouement et des services que vous m'avez rendus depuis mon enfance. Ne pensons plus, ni vous ni moi, à la scène de ce soir, et absolvons-nous mutuellement, vous de ma vivacité, moi de votre inconséquence. » Et la noble fille tendit la main à son maître d'hôtel en achevant son discours. Joseph de Plunard mit un genou à terre et déposa sur cette main blanche et potelée comme celle de la Vénus de Milo le plus respectueux et le plus paternel des baisers. Puis se relevant et essuyant ses yeux, d'où cette fois des larmes de joie coulaient doucement, « Que vais-je dire à monsieur le secrétaire et à monsieur l'écuyer de monsieur le duc de Richelieu » dit-il. Mademoiselle de Guise interrogea des yeux ses deux amis. « Faut-il les recevoir ? » dit-elle. « Ces cadeaux en disent plus que toutes les harangues et tous les épithalames du monde, » répondit la chanoinesse. « C'est ton avis, et toi, Clotilde ? » C'est aussi le mien. Le cérémonial est chose ennuyeuse. Hélas, ma chère amie, tu auras bientôt tout le temps de faire la duchesse. Crois-moi, N'émiette pas les quelques heures de liberté qui te restent encore et passe gaiement avec nous, insoucieuse et indépendante, cette soirée qui ne reviendra plus, » dit la pensionnaire de Saint-Cyr. « Joseph, » dit alors Mademoiselle de Guise, « exprimez à ces messieurs le regret que j'éprouve de ne pouvoir pas les recevoir ce soir. Mais des préparatifs, des détails de maison, des affaires à régler m'en empêchent. Ajoutez, si vous le jugez à propos, Joseph, que la duchesse de Richelieu saura, dès demain peut-être, racheter l'impolitesse de Mademoiselle de Guise. Messieurs de Savigny et de la Rivière seront désolés de ce contretemps, objecta le malin vieillard, qui riait dans sa barbe de la déception de ses hôtes. Monsieur de Plunard, interrompit la chanoinesse, faites servir à ces messieurs un splendide souper. N'épargnez ni les mets succulents de l'office, ni les vieux vins de la cave. Le mécontentement d'un poète et la douleur d'un écuyer ne tiennent pas devant de semblables consolations. Allez, et hâtez-vous de revenir ici pour n'en plus sortir, qu'à minuit. » Le maître d'hôtel s'inclina et sortit. Moins d'une demi-heure après, le bonhomme rentrait chargé d'une poêle gigantesque, d'une énorme amphore pleine d'huile vierge et de deux vastes corbeilles remplies, l'une de pommes dignes, pour la grosseur et le coloris, du jardin des Hespérides, l'autre, de farine aussi blanche que la toison de la chèvre amaltée. Ces messieurs, dit le vieillard en déposant avec précaution son multiple fardeau sur une grande table de chêne à pieds contournés qui occupait le centre de la salle, ces messieurs ont été vivement contrariés de ne pouvoir être présentés à mademoiselle, mais je les ai si bien chapitrés qu'ils ont fini par entendre raison et qu'ils noient à l'heure qu'il est et à l'envie l'un de l'autre leur désappointement dans quelques bouteilles de pommard et de chambertin que j'ai fait mettre à leur disposition. « C'est au mieux, » dit mademoiselle de Soyaucourt. « Maintenant, distribuons-nous les rôles et mettons-nous à la besogne. »« C'est à Guise que la distribution des rôles appartient, » dit madame de Bussy, « à tout seigneur, tout honneur. »« Mes amis, » répliqua la châtelaine, « l'égalité la plus parfaite doit régner entre nous. Beaujeu est un terrain neutre entre Saint-Cyr et l'Argentière. » L'observation de Bussy est juste, fit mademoiselle de Soyaucourt, et je me range volontiers à son opinion. Eh bien, reprit mademoiselle de Guise, puisque vous le voulez absolument, je vais indiquer à chacune ses fonctions. Toi, Bussy, tu veilleras à la cuisson des beignets. C'est-à-dire que je tiendrai la queue de la poêle. Le poste est embarrassant et périlleux, s'il faut s'en rapporter au proverbe. Soyaucourt fera la pâte et coupera les pommes, après les avoir épluchées. C'est une mission dont je m'acquitterai avec plaisir, pourvu qu'il ne me soit pas défendu de dérober par-ci par-là quelques tranches maladroitement coupées. Quant à moi, mesdemoiselles, poursuivit mademoiselle de Guise, je me réserve le droit de revêtir ces belles rainettes de leur atour de pâte et de les jeter dans la poêle. C'est brave de ta part, interjeta madame de Bussy. Car enfin, la veille d'un mariage, un joli visage n'affronte pas volontiers les frémissements d'une friture et, si un malheur arrivait... « Eh bien, » interrompit la châtelaine de Beaujeu avec un stoïcisme charmant, « je serai mademoiselle de Guise la balafrée. » Cette saillie fit rire aux éclats le conciliabule. « Tes attributions, Joseph, » reprit mademoiselle de Guise, « consisteront à alimenter le feu, à aider tour à tour chacune de nous, en un mot, à prêter main forte et à éclairer de ton expérience les pupilles que le dieu Comus t'envoie aujourd'hui. » Depuis Vatel, jamais peut-être maître d'hôtel n'aura présidé un si frugal destin. Mais ne crains rien, mon bon Joseph. La catastrophe de Chantilly ne se renouvellera pas à Beaujeu. Mademoiselle, reprit Plunard, Vatel s'est tué parce que la marée n'arrivait pas assez vite. S'il me prenait fantaisie de me poignarder, ce serait pour un motif contraire. Taisez-vous donc, frondeur incorrigible! Dit tout bas madame de Bussy au maître d'hôtel en le tirant par la manche. « À l'œuvre, à l'œuvre !» s'exclama mademoiselle de Soyaucourt en sautant de joie. « Ah, un mot, un seul encore !» reprit mademoiselle de Guise. « Je vous avertis, mesdemoiselles, que nous allons faire beaucoup, beaucoup de beignets. »« Je l'espère bien, » interjeta Clotilde. « Et voici pourquoi. Tous mes vassaux ne viendront pas s'asseoir aux tables dressées cette nuit dans les galeries du château. » Et ceux qui ne viendront pas sont les plus pauvres, les plus faibles et les plus affligés. Ce sont les orphelins, les veuves ou de languissants vieillards et des malades. Je veux cependant qu'ils participent comme les autres au bénéfice de cette journée. Ma chère chanoinesse, je prétends vous confier une mission digne de la croix que vous portez, digne de votre cœur. vous me remplacerez dans la visite nocturne à la chaumière du pauvre. Suivi de Joseph, vous irez à chacun des humbles foyers de ce village offrir des beignets que nous allons faire. Ce pèlerinage charitable ne vous convient-il pas, ma très chère? Et ne pensez-vous pas que rien n'est délicieux comme de couronner une folle distraction, un divertissement puéril, par un acte d'humanité? Oh, ma chère amie, s'écria la chanoinesse, en embrassant Mademoiselle de Guise avec effusion, vous méritez plus qu'une couronne de duchesse, vous méritez une couronne de reine. Le pauvre, toujours un peu enclin à l'envie, est forcé de pardonner les délices de la vie, les avantages du rang et de la naissance, les splendeurs de la fortune à des âmes telles que la vôtre. Ah, Guise, Guise, ce n'est pas sans raison que M. le duc de Richelieu vous appliquait dernièrement à Versailles, dans le cabinet du roi, ces vers délicats et charmants que Malherbe adressait autrefois au gouverneur de Louis XIII, au philosophe Rivaud de Fleurance, auteur de l'art d'embellir. Voyant ma Calixte si belle, que l'on n'y peut rien désirer, je ne pouvais figurer que ce fût chose naturelle. J'ignorais ce que pouvait être qui lui colorait ce beau teint où l'aurore même n'atteint quand elle commence de naître. Mais Fleurance, ton docte écrit, m'ayant fait voir qu'un bel esprit est la cause d'un beau visage, ce ne m'est plus de nouveauté, puisqu'elle est parfaitement sage, qu'elle soit parfaite en beauté. » Mademoiselle de Guise rougit extrêmement et d'une voix profondément émue dit « Vous acceptez donc ce soir ma procuration, cher ami ?»« Comme un honneur, comme un plaisir, comme une faveur, » repartit la chanoinesse. Les jeunes demoiselles et le vieux Joseph de Plunard se mettent aussitôt à l'œuvre. Un feu clair de sarments et de fagots d'épines pétille bientôt dans la haute et vaste cheminée où les hommes d'armes du premier de Guise se chauffaient debout, la lance au poing et le casque en tête. Le vieux maître d'hôtel, métamorphosé en cyclope, attise le brasier avec des pinces de fer et fait jaillir du hêtre et de l'érable enflammé des gerbes d'étincelles qui vont s'épanouir et s'éteindre sur le toit pointu, couvert en ardoise, du manoir héréditaire. Madame de Bussy tient valeureusement la poêle, assujettie à un anneau des chenets titanesques, au milieu de cette fournaise. L'huile frémit, bouillonne et mugit dans la piscine de fer et semble, comme l'océan, réclamer une proie quelconque. Mademoiselle de Soyaucourt, enveloppée d'un nuage de fleurs de farine, comme une cérèse d'opéra, tourne à l'aide d'une cuillère de vermeil, dans une immense jatte de porcelaine japonaise, le lait, la fleur d'oranger, l'esprit de vin et la farine, tunique future des pommes qui se dresse en obélisque à ses côtés. Mademoiselle de Guise est debout, appuyée contre la table du conseil. Sa corbeille de mariage est béante auprès d'elle. La jeune châtelaine contemple tour à tour et les joyeux travaux de ses compagnes et les armures de fer des héros ses ancêtres qui, aux lueurs rouges et incessantes du foyer, semblent encore se dorer des rayons du soleil de Marignan, de Jarnac et de Montcontour. Parfois, la noble fille sourit à l'aspect de cet appareil culinaire, au centre de ses panoplies et de ses bannières victorieuses, tachées encore du sang de leurs défenseurs. Parfois aussi, la belle fiancée semble se demander s'il convient bien au dernier rejeton des Guises de faire des beignets. Mais l'image du grand Condé, jardinier à Vincennes, calme ses scrupules héroïques. Et puis le regard plein d'amour qu'elle jette en tapinois sur cette bourse de brocart où se lit l'inscription « Pour les menus plaisirs de Madame la Duchesse de Richelieu » achève de lui rendre sa gaieté un moment suspendu. On chante, on danse, on fait mille folies, on débite sans bagatelles, on raconte 20 histoires, on babille comme on babillait en ce temps-là, avec abandon, avec plaisir, avec esprit. Le vieux Plunard, d'un cœur haut et d'une intelligence remarquable, tout maître d'hôtel qu'il est, prend part à ce tournoi d'allégresse et de joyeux propos. On fait enfin les beignets et on en mange. Mais le plaisir de les croquer n'égalait pas le plaisir qu'on ressentait à les faire. Heureux temps où des beignets frits dans le cabinet de la reine de France occupaient tout un article de la Gazette ou du Mercure. Heureux temps où les beignets de froment du château étaient échangés contre les beignets de blé noir de la chaumière. Le mot fraternité n'était pas inventé, mais la chose existait. Le dictionnaire du cœur n'est pas toujours celui de l'académie.